vraiment sans maîtrise. Je ne sais pas si je suis en train de me faire un petit peu. Il y a vraiment une chose qui est assez mal de faire une belle partie de la télé. Je suis en train de me faire un petit peu. Je suis en train de me faire un petit peu. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.